faites-vous parler maintenant ne me rend plus seul. Je regarde l'écran de ce monde mais je vois plus de curseur. Parce que le fait de vous écrire me libère franchement. Malgré toutes les blessures que j'ai, vous êtes mon pansement. Encore un pincement au cœur ou la gorge nouée. D'abord avec les moyens du bord faudrait une bouée. D'accord, travailler dur dois-je l'avouer. C'est sûr, même avec mon regard je parle au muet. Je n'ai jamais écrasé personne, j'ai juste pris mon chemin. Avec les bâtons dans les roues j'ai repris Michelin. Avec la même équipe depuis j'ai appris trop de choses. Comme toujours aimer les siens en guise de bonne dose. C'est ça la bonne cause tout en gardant les mêmes codes. En cas de mal j'ai que des mots, ma première démo tourne encore. Extra large, bonjour la France avec Fab. Ouais le temps passe, j'ai gobé le hip-hop comme extase. Un freestyle, pas de soucis, j'aime trop ça c'est certain. The Artist, allez présentez-moi du jardin. En hors-piste, pas de thème, ce son est pour mon public. Merci pour votre tenue, moi qui suis timide et pudique. Rachid, on m'a dit continue si ça se complique. Tranquille, et c'est tout ce qu'ils retiennent d'un sudiste. Un accent, non ça suffit pas, sûrement trop insuffisant. On a tous un pote ou voir un autre qui avait deux visages. L'apparence devient trop bizarre. Oh, v'là l'image, foncer c'est trop facile. Donc je me suis intéressé au Limas, Léonidas. Mais sans la carrure de Rambo. Je n'ai jamais voulu monter, ce n'est pas mon truc la rando. Pas de repos, ma seule forme d'autorité. Quand on a trop de caractère, est-ce qu'on se doit de le tweeter. Nouvel album dans les bacs, sorti un indépendant. Je porte la voix de tout le monde, des passionnés depuis longtemps. Ici, je représente les indépendants. Je porte la voix de tout le monde, des passionnés depuis longtemps. Lentement mais sûrement, lentement mais sûrement, lentement. Ici, je représente les indépendants. Je porte la voix de tout le monde, des passionnés depuis longtemps. Lentement mais sûrement, lentement mais sûrement, lentement. Rachid, on avance à petits pas, mais ça, ça n'est que le départ. Et paraîtrait que c'est pas du gâteau si je veux couper des parts. J'ai même entendu que c'était mort, dépassé comme les PN. Mais dans le sud, on perd pas le nord, on aime rapper comme les vrais M, hein. T'as vu la scène, tout le contraire de celle du crime. On arrive sans artifice pour foutre le feu avec une rime. Quand j'étais pas dans mon assiette, trouvé les couteaux dans mon dos, petit. La chute, j'ai su la mortir sur un matelas d'ortie. Pendant que certains déraillent en pensant vivre un train d'enfer. Armés de rimes, nous on veut voir tout le monde les mains en l'air. One love. Facile à dire si tu mets pas du cœur. Pris de l'écart ou les trois quarts, te dis je m'en bats les couilles. T'arrives avec un gun, j'arrive avec une fleur. Grandi dans la débrouille avec mes frères et sœurs. Envie de croquer le monde comme ce bonhomme qui revient tôt. Si on fait tâche, ça sera seulement avec Ben Paul Bang. Lol, triste prise de position. Personne refuse le fric, on cherche juste les solutions. Oublie la thug life, ça vient de Montpellier, pas de Los Angeles. Que du sunshine dans tous les sons que je laisse. Yeah, ça part de 7, y'a la recette sur scène. Au fait, qu'est-ce que vous faites, y'a un concert ce week-end. Et même Faya, on foutra le fire comme un ragaman, on voit le mic. C'est pour mes gaillards, pour mes padawans, j'vois pas la maille. Si je fais pas le boulot, qui va le faire, boy. Tenir la tête sous l'eau, je connecte sur Game Boy. Tu vois le bail, y'a même qui fait la life, la belle grillade au soleil. On s'accueillera avec le smile, on oubliera les problèmes. T'as vu ce mec mouiller le maillot pour refaire un samaï et finir meilleur. Y'a la marre des cailloux de mettre de la maillot, de la sauce amoureille en croyant que c'est meilleur. On joue pas les voyous, le mental de warrior, on est face aux jaloux par ici ou ailleurs. Comme tapion, on veut finir meilleur. Ici, je représente les indépendants. Je porte la voix de tout le monde, les passionnés depuis longtemps. Lentement mais sûrement, lentement mais sûrement, lentement. Ici, je représente les indépendants. Je porte la voix de tout le monde, les passionnés depuis longtemps. Lentement mais sûrement, lentement mais sûrement, lentement.